Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de recevoir une petite dose de science avec Futur Simple. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, le Radioton arrive à grands pas. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, le Radioton est l'événement majeur de financement de CKRL 89.1, votre radio, et l'objectif de ce Radioton est de récolter 50 000 $. Et vous pouvez tous et toutes contribuer à cet objectif de CKRL 89.1 et aider en faisant un don ou en devenant membre ou en participant à l'encan du Radioton. Et vous pouvez aussi acheter un billet pour assister à un concert VIP en petit comité à la station de CKRL 89.1. Alors, pour en savoir plus, c'est très simple, il suffit de quelques petits clics sur le site de CKRL 89.1 et sans doute que votre aide nous sera d'un grand secours. Et maintenant, à Futur Simple, on parle de quoi ? Il y a peut-être des amateurs de BD parmi les gens qui nous écoutent. Alors restez avec nous, car en deuxième partie d'émission, je recevrai deux autrices qui ont participé à l'exposition « Les chercheuses en BD ». C'est une exposition qui mêle la bande dessinée et la science. Ça, ce sera à 18h30. Et pour le moment, on va prendre la direction du nord, ce nord qu'on imagine gelé, rocailleux, avec par-ci par-là quelques plaques de mousse. Mais voilà que le nord verdit, et pour en parler, je reçois Rachel Guindon, étudiante à la maîtrise et associée à l'Institut nordique du Québec. Bonjour Rachel. Bonjour Valérie. Voilà, je n'avais pas ouvert le micro de Rachel. Nous voici donc. Alors Rachel, tu es déjà venue à Futur Simple pour parler de ton projet de maîtrise justement. C'était sur les bœufs musqués et le filage de la laine de ces bœufs musqués. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un phénomène, je ne sais pas comment on dit, arbustification. Oui, ben on l'entend un peu de différentes façons, arbustification. Je pense que verdissement aussi, ça se dit peut-être plus facilement à l'oral, donc oui. Alors, de quoi s'agit-il, en fait? Ben le verdissement de l'Arctique, c'est un phénomène qu'on retrouve à l'échelle circumpolaire. C'est vraiment l'expansion des espèces arbustives au nord, de plus en plus au nord. Et quand on parle d'espèces arbustives, c'est vraiment les espèces arbustives indigènes, donc on retrouve localement, on peut penser aux bouleaux glanduleux, aux saules, aux aulnes. On les retrouve habituellement, ils sont assez courts, hein? Donc la toundra c'est un milieu très difficile, la saison de croissance est courte et ces arbustes-là sont habituellement assez bas, donc peut-être à la hauteur d'une cheville par exemple. Mais avec les changements climatiques, on se retrouve avec des arbustes qui sont qui sont de plus en plus gros, donc qui ont de plus en plus de biomasse, et on se retrouve avec des endroits où, en fait, plus d'endroits qui sont colonisés par ces arbustes-là. Puis ça reste des arbustes malgré tout, même s'ils prennent plus d'ampleur, ce sera jamais des arbres. Non, c'est ça, ils deviendront jamais des arbres, mais pour moi-même, en avoir vu là, des arbustes, un bouleau glanduleux qu'on peut voir, bon, à une hauteur de 10-20 cm, j'ai déjà vu des arbustes qui font presque ma taille, là, donc ça peut devenir assez grand rapidement. Et donc, on en voit maintenant à des endroits où auparavant ils n'en poussaient pas, donc c'est comme si cette limite de ces petits arbustes monte vers le nord, c'est ça qui se passe? Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est comme la température de l'air se réchauffe, la température du sol se réchauffe, ben, la saison de croissance est plus favorable. Donc, les plantes vont être un peu contentes là, de ces changements de température-là. Ils vont pouvoir croître davantage. Et ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, c'est que en hiver, donc on imagine un arbuste là, qui est un petit peu plus, qui a eu un bel été et qui a des belles branches, lorsque l'hiver va arriver, ben, ces branches-là vont retenir la neige. Habituellement, dans la toundra, le vent balaie le paysage et puis la neige s'accumule pas. Là, la neige va s'accumuler. Et comme la neige a des propriétés isolantes, ben, ça va venir modifier la température du sol. Et lorsqu'on a des sols qui se réchauffent, ben à ce moment-là, c'est l'activité microbienne qui est à nouveau, qui est plus sollicitée. Ces communautés microbiennes-là vont accélérer le recyclage des nutriments. Ah oui? Donc, l'azote, le phosphore, donc des nutriments qui sont essentiels à la croissance des plantes. Et bon, lorsque l'été va arriver, ben il va avoir plus de nutriments disponibles dans le sol et donc ça va mm-hmm. inciter, ben ça va favoriser la croissance encore une fois de l'arbuste. Mm-hmm. Donc il y a tout un phénomène qui se produit, c'est pas juste parce qu'il fait plus chaud, qu'il y a peut-être plus de photosynthèse, je ne sais pas. Mais c'est... Ça se traduit finalement, ça se traduit aussi dans le sol. Oui, ça donne c'est plus ça. De nutriments, d'éléments pour la plante. Et puis peut-être que s'il fait plus chaud, est-ce que ça augmente la photosynthèse? Synthèse ou pas? C'est une bonne question. Je pense que ça favorise l'activité photosynthétique, effectivement, mais de l'arbuste qui grandit. Lorsqu'on a un arbuste qui grandit, bien, lui va faire plus d'ombrage autour mm-hmm. de lui. Donc, les plantes qui cohabitaient à côté, donc on peut penser aux lichens, mm-hmm. aux baies, donc aux bleuets, la camarine, ces plantes-là, bien là, soudainement, vont se retrouver à l'ombre d'un arbuste, ce qui n'était pas le cas au début. Et là, eux, leur activité photosynthétique est grandement diminuée. Par la présence de l'arbuste qui prend beaucoup de place. Ouais. Alors, comment on constate, en fait, ce verdissement? Bon, toi, tu vas sur place, j'imagine que tu le constates de tes yeux, mais que tu ne peux pas aller partout non plus. Non. Donc, comment on le constate? Est-ce que c'est par des rapports des gens qui vont sur le terrain, ou est-ce qu'on a aussi des photos aériennes, des photos satellites? On a beaucoup de sources. D'abord, on a ce que les Inuits nous disent, qui vont vraiment nous dire, avant, il n'y avait pas du tout d'arbuste. Moi, je pouvais passer en quatre roues là, il n'y avait aucun problème. Là, soudainement, les arbustes prennent toute la place. Ah. J'ai plus de chemin pour passer. Donc, il y a des témoignages oraux dans ce sens-là, mais tu as parlé d'images satellites, c'est vraiment ça qui est utilisé par les chercheurs. Donc, c'est des images satellites, des photos aériennes qu'on a prises peut-être par le passé dans les années 80-90, puis on peut comparer aujourd'hui, en 2023, de quoi ça a l'air. Mm-hmm. Les chercheurs vont avoir un indice de verdissement, vont être capables de voir dans quelle proportion différentes parcelles sont plus vertes que dans le passé. Exactement. Là, on a un comparatif avec le passé. Donc là, c'est intéressant parce que tu dis, les Inuits ne peuvent plus passer, ils peuvent plus circuler avec leurs quatre roues à cause de ces zones, de ces bouleaux qui leur barrent le passage. Donc, ça a des conséquences finalement sur la vie des communautés nordiques. Oui, vraiment, ça change le paysage, il y en a des arbustes de plus en plus gros, ça affecte la vie des Inuits parce qu'on peut penser aux baies, donc aux petits fruits qui sont très appréciés. L'été, les femmes vont cueillir les petits fruits, le bleuet, la camarine, la chicoutée. Mais là, on se rend compte qu'avec des arbustes de plus en plus présents, il y a eu des études sur la productivité de ces plants-là, de petits fruits. Et on constate qu'il y a une diminution de la productivité de petits fruits en lien avec la présence d'arbustes. Donc ça, c'est un peu inquiétant là, pour les communautés inuites. Et puis, ça peut même aller au niveau des espèces animales. On peut penser au castor. Mm-hmm. Le castor est un nouveau venu dans les contrées nordiques, Donc, comme il y a plus d'arbustes, lui, ça favorise, il trouve qu'il y a un habitat qui a bien de l'allure, là. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour construire son barrage, il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Et donc, les Inuits voient de plus en plus de castors dans le nord, ce qui était rarissime ou même impossible par le passé, là. Puis ce que les castors vont faire, on les connaît bien, nous, dans la vallée du Saint-Laurent, on les côtoie, on sait qu'ils vont faire un barrage sur un plan d'eau, mais dans ce cas-ci, ça arrive que les barrages que les castors vont construire vont entraver les mouvements des poissons. Ah oui. Donc, on peut penser à l'omble chevalier, qui est une espèce de grande importance là, pour les communautés inuites. Ça fait partie là, de leur alimentation. C'est très important aussi culturellement pour les traditions. Et ils vont constater, il n'y a plus ces ombles chevaliers-là comme il y avait. Et ils vont découvrir, à l'occasion, justement, un barrage de castors. Donc, ça, c'est un problème qui est de plus en plus répandu. Mais là, si le castor monte dans le nord, est-ce que c'est à cause de ce changement de végétation, justement? C'est lié à ça. C'est que lui va retrouver des conditions plus intéressantes. On parlait des températures qui sont plus chaudes, la saison de croissance qui est plus prolongée. Lui, il va voir toute cette végétation-là qui est plus abondante, qui correspond plus à ce qu'il retrouve dans des latitudes plus au sud. Donc, c'est un peu ça qui fait en sorte qu'on retrouve du castor de plus en plus au nord. Mm-hmm. Puis là, on parle de castor, mais il y a même les orignaux aussi. Les gens nous parlent au Nunavik, mais même en Alaska, les chercheurs ont vraiment noté une augmentation de la population d'orignaux qui vit hors de la forêt boréale. Donc là, il faut qu'ils trouvent quelque chose à manger. Ben, et c'est justement, ça. Donc, ces arbustes-là? Des arbustes avec leur forte biomasse bien fournie, ben, ça intéresse ces animaux-là. Ah. Donc, ils vont s'alimenter avec les arbustes, justement. Donc là, il y a tout un déplacement un petit peu des populations animales qui sont en train de se produire, des nouveaux assemblages d'espèces aussi qui sont en train de se produire. Oui, puis ça a des effets même sur les populations animales locales. On peut penser aux caribous. Parce que lorsqu'on a des arbustes de qui colonisent d'autres endroits ou qui font de l'ombrage, ben ça affecte les lichens. Le lichen est une composante importante du régime alimentaire du caribou en hiver. Il dépend de ce lichen-là pour survivre l'hiver. Et avec le verdissement de la toundra, ben on constate que il y a moins d'espèces de lichens, qu'on va retrouver moins d'espèces de lichens à proximité des arbustes. L'abondance, le couvert de ces lichens-là aussi sont plus bas, et c'est ça qui inquiète un peu les chercheurs et les Inuits aussi dans le futur, à savoir est-ce que ça vient modifier le est-ce que ça peut affecter les populations animales qui sont locales. Puis là, tu disais aussi, pour en revenir aux bleuets, parce que je comprends que les bleuets poussent peut-être moins à l'ombre des arbustes, mais là où il n'y a pas d'arbustes, est-ce qu'au contraire, les bleuets ne sont pas favorisés, ne profitent pas eux aussi de l'amélioration des conditions du sol, etc., pour eux aussi s'étendre davantage? Probablement que oui, dans une certaine mesure, c'est sûr qu'une saison de croissance prolongée, ça peut profiter aux bleuets, sauf que y a d'autres facteurs qui entrent en ligne, par exemple la pollinisation. Il peut y avoir des événements avec les changements climatiques. On a de plus en plus de changements de météo brusques. Il peut y avoir du mauvais temps lors de la pollinisation. Donc, les insectes ne seront pas au rendez-vous et on va avoir un rendement de baies qui va être diminué. Donc, c'est vraiment multifactoriel. C'est dur de dire « Ah, ben comme il fait plus chaud, tout le monde en bénéficie. » On est vraiment dans les avantages et les désavantages aussi. Ah oui, là. Ça veut dire vraiment que c'est des phénomènes vraiment, vraiment très complexes. Et bon, c'est pas on modifie un élément, mais ça va toucher plusieurs éléments et c'est difficile de voir la résultante. C'est ça. Puis comme pour le caribou, quand j'en parlais, il y a des travaux qui ont été faits dans le laboratoire Caribou Angava. Donc, une ancienne étudiante à la maîtrise, Evelyne Lemay, elle s'intéressait si, justement, l'arbustif venait pas influencer la qualité du fourrage, donc la qualité des végétaux pour les caribous. Puis, elle, ce qu'elle constatait, c'est que le feuillage du bouleau glanduleux et des carex, donc de l'herbage dont va s'alimenter le caribou, avait de meilleure qualité nutritive. Donc là, on se dit, ah bon, peut-être que ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça a comme effet sur les autres espèces dont le caribou a besoin pour s'alimenter. Donc, il y a toutes sortes de... Il y a beaucoup d'incertitudes liées à cela. Oui, exactement. Puis là, mes questions fusent un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est correct. Donc, j'ai envie de revenir au castor. Oui. Parce que, bon, on dit le castor. Tu disais le castor, il va y avoir des barrages, ça perturbe l'écoulement de l'eau. Oui. Et donc, le déplacement des poissons. C'est ça. Mais il n'y a pas que les poissons qui circulent sur les rivières, les Inuits eux-mêmes. Est-ce qu'ils n'utilisent pas les rivières également pour se déplacer? Est-ce qu'ils sont affectés par des rivières entravées par un barrage? Ça pourrait, j'en ai jamais entendu, on m'a jamais relaté ça. Okay. On me parle vraiment que c'est au niveau des poissons là, que ça les agace, oui. Je pense qu'ils vont emprunter d'autres voies de navigation, peut-être plus grandes pour leurs embarcations, puis le castor va s'installer sur de plus petits cours d'eau, des petits ruisseaux faciles un peu à bloquer, justement. Mais par contre, ça fait des ennoiements un petit peu quand même, ces barrages, donc il y a peut-être quand même des zones qui sont moins faciles à traverser, à circuler, même à pied, à ce moment-là. C'est possible, tout à fait. Ça génère un peu des effets assez variés, là, justement, sur l'écosystème. C'est pas juste un barrage, là, un castor qui vit sa vie, ben, ça a des répercussions sur tout l'écosystème. Là. Mais c'est anecdotique, là, la progression des orignaux ou des castors. Est-ce que c'est un par-ci par-là ou c'est vraiment un mouvement d'ampleur qu'on observe? Ben, c'est un mouvement assez pour que ça devienne une priorité pour les communautés inuites, okay. de faire, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous intéresse? Comment on peut contrôler la population de castors? Donc là, il y a des discussions, par exemple, avec les communautés cris, plus au sud, qui, eux, elles, sont habituées de trapper le castor et de faire même des produits avec l'animal. Donc, je pense que dans le futur, c'est l'idée de collaborer un peu entre nations autochtones pour mieux comprendre ce phénomène-là puis mieux le gérer. Parce que pour l'instant, les Inuits, eux, ils n'ont pas été exposés au castor, en présence du castor, donc ils n'ont pas de culture de consommation du castor. Exactement. De la chasse du castor. Non, c'était tout nouveau, là. C'est vraiment tout nouveau. Ils ne savent pas quoi faire avec. Je ne pense pas, non. Personne ne m'a parlé de barbecue de castor délicieux, donc... Donc, un échange éventuellement entre des Inuits et les Cris, mais tous les Inuits ne sont pas en contact avec les Cris. Ça, c'est seulement dans la baie de James qu'on va rencontrer cette situation-là? Oui, bien, là, les communautés que j'ai en tête, c'est par exemple à Umiouyak, où est-ce qu'il y a de plus en plus de castors. C'est une communauté au milieu de la baie du Tson, mais il y a des communautés Cris plus au sud, donc à Kujwarapik, Wapmagoustou, et les communautés de la baie de James. Je sais que la communauté d'Umiouyak est intéressée justement. Ils faisaient des démarches pour avoir de l'aide et un peu partager le savoir en lien avec le castor. Est-ce qu'on pourrait voir le même genre d'échange à propos de l'orignal? Est-ce que l'orignal pourrait devenir encombrant, entre guillemets, plus au nord et que les Inuits ne sauraient pas vraiment quoi faire avec? C'est possible. J'imagine que les Cris le chassent, l'orignal? Oui, ça pourrait exactement. Ouais, c'est le genre de collaboration qui pourrait avoir lieu dans le futur. Je sais que peut-être pour l'orignal, c'est moins problématique actuellement. Là, ça reste... peut-être un peu anecdotique, mais au niveau de l'Alaska, par exemple, c'était vraiment un phénomène qui était noté, puis qui était même étudié. Là, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup plus d'orignaux dans des milieux dans la toundra, tu sais, ce qui est un peu surprenant, tu sais, de voir un grand animal surgir dans un paysage sans arbres. C'est plus en forêt, c'est ça. Exactement. On est habitué de les voir sous un couvert forestier, donc là, ça peut être surprenant. Mais pour les Inuits, c'est quand même un peu problématique du point de vue de leur identité, de leur culture. Eux, on craignent peut-être de voir disparaître ou diminuer les populations de caribous qui n'ont plus accès au lichen. Là, oui. Et puis par contre, voir arriver des espèces avec lesquelles ils ne sont pas habitués. C'est sûr. Donc ça représente une sorte de traumatisme culturel un petit peu. Ben, ça génère des craintes, évidemment, parce que là, bon, les populations de caribous sont en diminution. C'est multifactoriel, mais on veut préserver ces grands troupeaux de caribous migratoires. Les gens veulent, on veut s'assurer que toutes les conditions soient là pour que le troupeau revienne à des nombres plus haut. Donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt un peu grandissant envers ce phénomène-là qui est vraiment à l'échelle de l'écosystème. Là. Est-ce qu'on l'a vu se produire assez rapidement, ce verdissement du Nord? Dans les 30 dernières années, c'est un phénomène qui est particulièrement marqué au Nunavik. Là. Si on regarde une carte générée avec des images satellitaires, et puis on a d'autres régions du monde, ça se produit partout vraiment. Donc, Russie, Alaska, Canada... Mais on remarque qu'au niveau du Nunavik, même au niveau du Labrador, c'est un phénomène qui s'est vraiment accéléré dans les dernières années. Donc peut-être que dans les autres régions, ça a été plus graduel ou que le pic de verdissement est arrivé plus tôt dans le passé, mais c'est vraiment un phénomène très actuel au Nunavik. Et est-ce que tu sais ce que disent les modèles pour savoir comment va progresser ce verdissement? Oui, bien, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Il y a des chercheurs qui essaient de voir si est-ce que les populations animales pourraient pas réduire, donc en s'alimentant sur les arbustes, est-ce que ça pourrait pas diminuer ce phénomène-là? On s'intéresse aussi, comme tout ça est lié aux températures, donc température du sol, température de l'air. Il y a des chercheurs qui se questionnent si le fait que les températures deviendraient si élevées en été qu'elles feraient assécher davantage le sol. Mm-hmm. Et on sait que lorsque les sols sont asséchés, c'est pas propice à la croissance des plantes. Donc, on se demande si le phénomène pourrait pas se réguler de cette façon-là. Mais je pense qu'il nous faut plus d'études et un suivi surtout pour, ouais, pour mieux comprendre ce phénomène-là. Ah oui, parce que là, donc le sol, parce que avec le réchauffement, on entend qu'en même temps, le pergélisol dégèle, qui normalement amène de l'eau dans le sol. Exactement. Mais les plantes elles-mêmes, elles vont puiser de l'eau, donc il faut voir, on ne sait pas quel est l'équilibre. Exactement, c'est une question d'équilibre qui est un peu inconnue à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça, c'est plein d'inconnus. Puisque c'est quand même assez saisissant, c'est de voir à quel point finalement le Nord et les populations nordiques, les Inuits, les Cris, sont déjà aux prises avec ces changements. Oui, on ne le sent pas trop ici. Populations dans le Nord qui sont déjà vraiment aux prises avec ces changements. Oui, c'est la toundra, c'est le biome qui est parmi les plus froids dans le monde, mais c'est aussi le biome qui se réchauffe le plus rapidement. Donc, on voit vraiment les conséquences là, du réchauffement climatique visuellement. Comme quoi, c'est ça, les changements climatiques, ce ne sont pas qu'une simple projection, mais une réalité. Et les communautés nordiques y sont déjà confrontées. Alors, merci beaucoup, Rachel, de nous avoir montré les conséquences concrètes de ces changements climatiques.